Chapitre 31e. Est-ce qu'on oublie les vieilles connaissances? Une froide matinée d'octobre succéda à cette pénible nuit, non pas une de ces matinées de la campagne où les vapeurs argentées se dissipant aux rayons du soleil se teignent de mille riches nuances, mais un matin d'octobre de Milton, où les vapeurs argentées se métamorphosent en un brouillard épais et malsain, et où les rayons du soleil, lorsqu'il parvient à les dissiper, n'éclaire que des rues longues et boueuses, des maisons sombres et enfumées. Marguerite, accablée de douleur, aidait néanmoins Dixon dans la tâche quotidienne du ménage. À chaque instant, ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle n'avait pas le loisir de se laisser aller à pleurer. Il fallait qu'elle prît soin de son père et de son frère, qui étaient complètement anéantis. Et pendant qu'il s'abandonnait au désespoir, il fallait qu'elle s'occupât, qu'elle réfléchît, qu'elle décidât. Même les pénibles dispositions à prendre pour l'inhumation semblaient lui être échues en partage. Lorsque le feu brilla dans la salle à manger, lorsque tout fut prêt pour le déjeuner et que la bouilloire fit entendre ce chant monotone qui précède l'ébullition, Marguerite jeta un dernier regard dans la pièce pour s'assurer que tout était en ordre, avant d'aller appeler Mr. Hale et Frédéric. Elle voulait que tout eût l'air aussi confortable que possible, et cependant, le contraste entre l'arrangement régulier de toutes choses et le désordre lugubre de ses pensées la fit, malgré elle, fondre en larmes. Elle s'agenouilla devant le sofa et cacha sa tête dans les coussins pour étouffer le bruit de ses sanglots. Soudain, elle sentit une main se poser sur son épaule, elle se retourna, c'était Dixon. « Allons, ma chère Miss Hale, ne vous laissez pas aller ainsi. Il n'y a plus que vous dans la maison qui puissiez donner un ordre ou une direction, et il y a tant de choses à faire. Il faut décider tout pour le convoi. Et quand et où il se fera, et qui est-ce qui doit y venir ? Maître Frédéric est comme hébété à force d'avoir pleuré. Monsieur n'a jamais été fameux pour rien décider. Mais le pauvre homme maintenant, c'est bien pire. Il va et vient comme s'il avait la tête perdue. C'est bien affreux, je le sais, chère Miss Marguerite. Mais enfin, la mort vient pour tout le monde. Et vous êtes encore heureuse d'être arrivée jusqu'à votre âge sans avoir perdu personne. C'était vrai, peut-être. Mais ce n'était pas ici une perte ordinaire. Et elle ne pouvait être comparée à aucune autre. Tout ce que disait Dixon à Marguerite ne consolait pas celle-ci. Mais la bonne intention de cette pauvre fille lui toucha le cœur. Et plus encore pour lui montrer qu'elle y était sensible que par tout autre motif, elle tâcha de sécher ses larmes et de lui sourire, puis elle alla avertir son père et son frère que le déjeuner était prêt. Mr. Hale descendit comme un homme endormi, ou plutôt avec ce regard vague d'un somnambule qui voit des objets tout différents de ceux qui sont devant ses yeux. Frédéric arriva ensuite. Avec un sourire forcé, il alla vers sa sœur et lui prit la main. Puis, la regardant, il éclata en sanglots. Elle s'efforça pendant leur pas de dire mille petits riens, afin d'empêcher les pensées de ses compagnons de se reporter vers le souper de la veille, durant lequel la tension était continuellement tendue, et où l'on croyait à chaque instant entendre un bruit ou un appel dans la chambre de la malade. À l'issue du déjeuner, elle se résolut à parler à son père des dispositions à prendre pour la cérémonie funèbre. Il secoua la tête, et donna son assentiment à toutes les mesures qu'elle proposa successivement, quoique plusieurs de ces mesures fussent contradictoires. Elle ne put tirer de lui une décision, et elle sortait de la chambre toute découragée, pour avoir recours à Dixon, quand Mr. Hale la rappela du geste. « Écris à Mr. Bell, » dit-il d'une voix sourde. « À Mr. Bell, » dit-elle un peu étonnée. « À Mr. Bell d'Oxford ?»« À Mr. Bell, » répéta-t-il, « oui. » Il était mon garçon d'honneur. Marguerite comprit. Je vais lui écrire aujourd'hui. Mr. Hale retomba dans son apathie. Elle travailla toute la matinée. Il lui tardait d'avoir un moment de repos. Mais elle était engagée dans un tourbillon d'occupations pénibles. Vers le soir, Dixon lui dit. C'est fini, miss. J'étais vraiment effrayé pour monsieur. J'avais peur que le chagrin ne lui causât une attaque. Il a passé toute la journée avec ma pauvre maîtresse. Et quand j'écoutais à la porte, je l'entendais lui parler comme si elle eût été en vie. Dès que j'entrais, il se taisait, mais il avait l'air d'être dans un brouillard. Alors j'ai pensé en moi-même qu'il fallait le sortir de là, et que s'il éprouvait un choc au premier moment, il s'en trouverait peut-être mieux ensuite. Et j'ai été lui dire que je ne crois pas qu'il soit prudent à Mr. Frédéric de rester ici, comme devrait, je le pense. Pas plus tard que mardi dernier, j'ai rencontré dans la rue un garçon de Southampton, le premier que j'ai vu dans ce pays-ci depuis que nous y sommes, car ils n'y viennent pas en foule, j'en réponds. Bref, c'était le jeune Léonard, le fils de Léonard, le vieux marchand de draps. C'est le plus méchant garnement du monde. Il a presque fait mourir son père de chagrin. Il a ensuite été à la mer. Il était sur l'Orion en même temps que Mr. Frédéric, je me le rappelle, quoique je ne sache pas qu'il y était encore quand la sédition a eu lieu. « Vous a-t-il reconnu ?» demanda Marguerite. « Ah, voilà le pire. Je crois vraiment qu'il ne m'aurait pas reconnu, si je n'avais eu la sottise de l'appeler par son nom. C'était un compatriote que je voyais si loin du pays. Sans cela, je ne me serais pas tant pressé de renouveler connaissance avec ce méchant propre à rien. « Ah, Miss Dixon, » dit-il, « qui aurait jamais pensé vous voir ici ?» Mais peut-être ai-je tort de vous appeler de ce nom? Vous n'êtes peut-être plus Miss Dixon? Sur quoi je lui répondis que j'étais encore demoiselle, quoique j'eusse eu bien des occasions de me marier qui en aurait tenté une autre moins difficile. Il eut la politesse de me dire qu'en me voyant, personne n'en pouvait douter, mais je ne suis pas femme à me laisser prendre cette glu, comme je le lui dis alors. Et pour lui rendre sa monnaie, je lui demandai des nouvelles de son père, que je savais l'avoir mis à la porte de chez lui, comme s'ils avaient toujours été les meilleurs amis du monde. Et lui, pour me faire pièce, car vous voyez que malgré toutes nos civilités, nous n'étions pas cousins au fond, il commença à s'informer de Mr. Frédéric, et à me dire qu'il s'était mis dans de vilains draps, comme si les vilains draps de Mr. Frédéric pouvaient blanchir les siens, et les faire paraître moins sales et moins noirs qu'ils ne sont. Puis il continua à me dire comme quoi il serait pendu pour s'être révolté contre ses chefs, si on pouvait mettre la main sur lui, et comme quoi il y avait 100 livres sterling de récompense pour celui qui le ferait arrêter, et comme quoi c'était un grand déshonneur pour sa famille. Tout cela pour me faire pièce, voyez-vous, ma chère Miss Marguerite, parce qu'une fois j'ai aidé le vieux Mr. Léonard à donner à son fils une bonne volée dans les rues de Southampton. Aussi lui répondis-je que je connaissais d'autres familles qui avaient bien plus de raisons de rougir de leur fils, et qui s'estimèrent heureuses, s'ils pouvaient être sûrs, qu'ils gagnassent honnêtement leur vie en pays étranger. Sur quoi il reprit, comme un petit impudent qu'il est, qu'il avait une place de confiance, et que si je connaissais quelque jeune homme qui eut le malheur de faire des fredaines, et qui voulut rentrer dans le droit chemin, il lui accorderait volontiers sa protection, lui, vraiment. Il corromprait plutôt un saint. Il y a bien des années que moi-même je ne m'étais senti si mauvaise qu'au moment où j'étais là à parler avec lui l'autre jour. J'aurais volontiers pleuré de dépit, de ne pouvoir le vexer autant que j'aurais voulu, car il me souriait tout comme s'il prenait mes compliments au sérieux, et tout ce que je lui disais ne lui faisait absolument rien, tandis que j'enrageais de l'entendre se moquer de moi. Mais vous ne lui avez pas parlé de nous, ni de Frédéric. Pas si bête. Felixson, il ne m'a pas seulement demandé où je restais, et quand il me l'aurait demandé, je me serais gardé de le lui dire. Je ne lui ai pas demandé non plus quelle était cette précieuse place dont il faisait tant d'embarras. Il attendait un omnibus qui passa bientôt et lui fit signe. Mais, pour me faire bisquer jusqu'au bout, il se retourna au moment de monter et me dit « Si vous pouvez m'aider à faire coffrer le lieutenant Hale, Miss Dixon, nous partagerons la récompense. Je suis sûr que vous ne demandez pas mieux que d'être de moitié avec moi, n'est-ce pas? Allons, ne faites pas la prude et convenez-en. » Puis il sauta dans l'omnibus et je vis sa vilaine figure qui me poursuivait de sourire goguenard. Il avait l'air de dire « J'ai eu le dernier. » Cette histoire de Dixon remplit Marguerite d'inquiétude. « En avez-vous parlé à Frédéric ?» demanda-t-elle. « Non. J'étais fâché en moi-même de savoir ce méchant Léonard dans la ville. Mais j'ai eu tant d'autres occupations que je n'ai plus pensé à lui. Mais quand j'ai vu monsieur se tenant toujours si roide, avec un visage si triste et des yeux si ternes, j'ai pensé que cela le secourait peut-être un peu d'avoir à craindre pour la sûreté de maître Frédéric, et je lui ai tout dit, bien que j'eusse honte de lui avouer que j'avais causé dans la rue avec un jeune homme. Mais cela a fait du bien à monsieur, et s'il faut toujours cacher maître Frédéric, il vaudra mieux qu'il s'en aille, le pauvre enfant, avant l'arrivée de Mr. Bell. Oh, ce n'est pas Mistobel que je crains, mais je redoute ce Léonard. J'en parlerai à Frédéric. Quelle mine avait-il, ce Léonard? La plus mauvaise mine du monde, miss, je puis vous l'assurer. Des moustaches comme j'aurais honte d'en porter, tant elles sont rousses. Et quoiqu'il se vante d'avoir une place de confiance, il était vêtu comme un ouvrier. Évidemment, il fallait que Frédéric partît. Mais que cette séparation serait douloureuse au cœur de Marguerite. Partir juste au moment où il venait de retrouver sa place au foyer paternel, et où il semblait devoir être l'appui et le protecteur de sa sœur, le bâton de vieillesse de son père. Partir, quand les soins qu'il avait prodigués à sa mère mourante, les larmes qu'il donnait à sa perte, semblaient avoir resserré plus fortement les liens qui les unissaient. Tandis que Marguerite, assise près du feu dans le salon, ruminait toutes ces choses dans son esprit, Mr. Hale était sous le coup de ces nouvelles anxiétés dont il n'avait pas encore parlé à sa fille. Frédéric entra. Sa gaieté naturelle n'avait pas reparu, mais l'extrême violence de sa douleur était apaisée. Il s'avança vers Marguerite et, la baisant au front, lui dit à voix basse « Comme tu es pâle, Marguerite. Tu t'occupes de tout le monde et personne ne s'occupe de toi. Couche-toi là, sur le canapé. Tu n'as plus rien à faire maintenant. » « Hélas, c'est ça le malheur, » murmura tristement Marguerite. Néanmoins, elle s'étendit sur le canapé. Son frère lui couvrit les pieds d'un châle, puis il s'assit par terre à côté d'elle, et tous deux se mirent à causer à demi-voix. Marguerite lui raconta tout ce que Dixon lui avait dit de sa rencontre avec le jeune Léonard. Les lèvres de Frédéric laissèrent échapper une longue exclamation. « J'aimerais autant savoir ce garçon-là autre part qu'ici. Il n'y a jamais eu de pire marin ni de plus méchant homme, je te le déclare, Marguerite. Tu as su les détails de ma malheureuse affaire. » « Oui, maman me l'a raconté. Eh bien, quand tous les matelots qui avaient du sang dans les veines étaient furieux contre le capitaine, ce garnement de Léonard pour se mettre en faveur, pouah! Et penser que ce gredin est ici. Oh, s'il me savait seulement à 20 000 de lui, il m'aurait bientôt dénoncé, car il a une vieille dent contre moi. Mais j'aimerais mieux voir gagner à tout autre les 100 guinées qu'on a offertes pour ma chétive personne. » Quel dommage qu'il n'y ait pas moyen de persuader à la pauvre vieille Dixon de me livrer. Cela lui assurerait au moins du pain pour sa vieillesse. Oh, Frédéric, chut, ne parle pas ainsi. Mr. Hale avait saisi quelques mots de leur conversation. Il vint à eux tout tremblant et prenant la main de Frédéric dans les siennes. Mon fils, il faut partir. C'est bien douloureux, il est vrai, mais il le faut. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as adouci les derniers moments de ta pauvre mère. « Oh, papa, est-ce donc nécessaire ?» s'écria Marguerite, plaidant contre sa propre conviction. « Je vous assure, » dit Frédéric, « que j'ai bonne envie de rester, de purger la contumace et de demander à être jugé. Si je pouvais seulement retrouver mes témoins. Je ne puis supporter l'idée d'être à la merci d'un vaurien comme c'est Léonard. Dans d'autres circonstances, j'aurais presque joui de ce voyage incognito. » Il aurait eu pour moi tout le charme qu'une Française attribue aux fruits défendus. Un de nos plus anciens souvenirs, reprit Marguerite, c'est une grande pénitence que tu t'es attirée pour avoir volé des pommes. Nous avions dans notre jardin des pommiers qui en étaient tout chargés. Mais quelqu'un ayant dit devant toi que le fruit volé avait bien plus de saveur, tu pris cela au pied de la lettre et tu allas voler les pommes du voisin. Il paraît que tu n'as pas changé depuis ce temps. « Oui, mon fils, il faut partir, » répéta Mr. Hale, répondant à la question que Marguerite avait faite quelques minutes auparavant. Ses idées restaient toujours sur le même sujet. Il ne pouvait sans un effort suivre la conversation un peu en zigzag de ses enfants, et cet effort, il n'avait pas le courage de le faire. Frédéric et Marguerite se regardèrent. Comme cette sympathie si prompte et si vive allait leur manquer à tous deux s'ils partaient. Un regard leur suffisait pour se comprendre. Ils se disaient tant de choses sans se parler. Tous deux suivirent cette pensée jusqu'à ce qu'elle se perdît dans une douloureuse angoisse. Frédéric secoua le premier sa rêverie. « Sais-tu, Marguerite, que j'ai fait une belle peur à Dixon cet après-midi ? J'étais dans ma chambre. J'avais bien entendu un coup de sonnette à la porte de la rue quelque temps auparavant. mais je croyais avoir donné au sonneur tout le temps d'entrer, de faire ses affaires et de sortir, et j'allais me montrer dans le corridor, lorsque, au moment où j'ouvrais la porte, je vis Dixon qui descendait. Elle fronça le sourcil et d'un coup de poing me renvoya dans ma cachette. Je laissai la porte entr'ouverte et j'entendis Dixon rendre réponse à quelqu'un qui était dans le cabinet de mon père et qui sortit ensuite. Qui se pouvait-il être? Quelque fournisseur, sans doute. Probablement, dit Marguerite avec insouciance. Il est venu un petit homme tout tranquille demander des ordres vers 2 heures. Mais celui dont je parle n'était pas petit. C'était au contraire un homme grand et fort, et il était plus de 4 heures quand je l'ai vu. C'était Mr. Thornton, dit Mr. Hale. Le frère et la sœur furent bien aises de le voir prendre part à la conversation. Mr. Thornton, fit Marguerite un peu surprise. Je croyais... Eh bien, petite sœur, que croyais-tu? Demanda Frédéric, voyant qu'elle n'achevait pas sa phrase. Oh, seulement, fit-elle en rougissant et en regardant son frère en face, je croyais que tu parlais d'une toute autre classe d'individus, pas d'un monsieur, mais d'un marchand ou d'un commissionnaire. Il avait tout l'air de cela, dit négligemment Frédéric. Je l'ai pris pour un marchand, et il se trouve que c'est un fabricant. Marguerite garda le silence. Elle se rappelait qu'en effet, avant de mieux connaître Mr. Thornton, elle en avait jugé et parlé exactement de la même façon que Frédéric. C'était une impression toute naturelle que celle qu'il avait faite sur son frère, et cependant elle en était mécontente. Elle aurait voulu, sans parler, pouvoir faire comprendre à Frédéric quelle espèce d'homme c'était que Mr. Thornton, mais elle resta muette. Mr. Hale continua. Il est venu, je crois, pour nous offrir ses services, mais je n'ai pas eu la force de le recevoir. J'ai dit à Dixon de lui demander s'il désirait te voir, Marguerite. Je crois lui avoir dit d'aller te chercher et de te prier de descendre. Je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai dit. Il a dû être pour vous une connaissance très agréable, n'est-ce pas? Dit Frédéric, jetant cette question à qui voudrait y répondre. Un ami très obligeant, dit Marguerite, voyant que son père gardait le silence. Au bout de quelque temps, Frédéric reprit. Marguerite, il est bien pénible pour moi de ne pouvoir remercier ceux qui ont été bons et bienveillants pour vous tous, et de penser que je ne pourrai jamais connaître vos amis, que nos relations ne seront jamais les mêmes, à moins cependant que je ne coure le risque de me présenter devant le conseil de guerre, ou bien que mon père et vous ne veniez demeurer en Espagne. Il avait mis en avant cette dernière proposition comme pour sonder le terrain, puis il entra soudain en matière. Vous ne vous figurez pas à quel point je le désire, et quel bonheur ce serait pour moi. J'ai là-bas une bonne position, et l'espérance d'une meilleure encore, ajouta-t-il en rougissant comme une jeune fille. Cette Dolores Barbour dont je te parlais, Marguerite, je voudrais que tu la connusses. Je suis sûr qu'elle te plairait. Mieux que cela, que tu l'aimerais. Car elle ne plaît pas seulement, on l'aime. Oui, mon père, j'en suis sûr, vous l'aimeriez si vous la connaissiez. Elle n'a pas encore 18 ans et dans un an, s'il est encore dans les mêmes sentiments, elle sera ma femme. Mr. Barbour ne veut pas que nous nous considérions avant ce temps comme engagés l'un à l'autre. Oh, si vous veniez, outre Dolores, vous trouveriez des amis partout. Pensez-y, mon père. Marguerite plaide ma cause. Non, non, plus de changement pour moi. Un changement m'a déjà coûté la vie de ma femme. Plus de changement ici-bas pour moi. C'est ici qu'elle repose. C'est ici que je resterai jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Oh, Frédéric, dit Marguerite, parle-nous davantage de Dolores. Je ne me doutais pas de cela, mais j'en suis contente. Au moins tu auras là-bas quelqu'un qui t'aimera et qui prendra soin de toi. Raconte-nous tout cela. D'abord, elle est catholique. C'est le seul tort qu'elle puisse avoir à vos yeux, et c'est la seule objection que je redoute de la part de mon père. Mais après son changement d'opinion... Allons, Marguerite, ne soupire pas. Avant la fin de la conversation, Marguerite eut plus d'une raison de soupirer. Elle découvrit que Frédéric lui-même était catholique de cœur et de conviction, sinon encore de profession. C'était donc pour cela qu'elle avait trouvé dans ses lettres si peu de sympathie pour son extrême douleur quand son père s'était séparé de l'église anglicane. Elle avait cru dans le temps que c'était l'indifférence d'un marin. Mais la vérité est que déjà à cette époque, il se sentait lui-même disposé à quitter la foi religieuse dans laquelle il avait été baptisé. Seulement, ses opinions suivaient une direction diamétralement opposée à celle de son père. Marguerite abandonna la discussion sur ce sujet, et revenant au projet de mariage, elle commença à le considérer sous un jour nouveau. « Quand ce ne serait que pour elle, Frédéric, vous devriez tâcher de vous justifier des accusations exagérées qui ont été portées contre vous, même en supposant qu'il y ait eu révolte. Si vous pouviez retrouver vos témoins, vous seriez en mesure de prouver devant une cour martiale que du moins votre désobéissance à l'autorité a été provoquée par l'abus de cette autorité même. » Mr. Hale donna ici quelques signes d'attention et sembla prêter l'oreille à la réponse de son fils. « Mais d'abord, Marguerite, qu'est-ce qui les dénichera, mes témoins? Ce sont des matelots qui ont été dispersés sur d'autres bâtiments, excepté ceux qui ont pris part à l'affaire ou qui ont montré pour moi trop de sympathie pour que leur témoignage puisse être d'un grand poids. Ensuite, permets-moi de te dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'un conseil de guerre, puisque tu le considères comme un tribunal où la justice est exactement rendue, tandis que c'est en réalité une cour où l'autorité pèse dans la balance 9/10 du poids total, et où les témoignages ne pèsent qu'un dixième. Et dans ces conditions, les témoins eux-mêmes se laissent souvent influencer par le prestige de l'autorité. Mais ne vaut-il donc pas la peine d'essayer de réunir en ta faveur assez de témoignages pour te justifier ? Actuellement, tous ceux qui t'ont connu te croient réellement coupable, puisque tu n'as jamais tenté de te défendre, et que nous n'avons jamais su où nous pourrions trouver les éléments de ta justification. Mais pour Miss Barbour, pour le repos de celle que tu aimes, éclaircis ta conduite autant que possible aux yeux du monde. Peut-être ne le demande-t-elle pas. Je suis sûr qu'elle a dans ton innocence la même confiance que nous-mêmes. Mais tu ne dois pas lui demander de te donner sa main avant d'avoir montré la vérité à tout le monde. Tu as désobéi à l'autorité et c'est un tort, mais dans cette circonstance, il aurait été pire encore de lui obéir, puisqu'elle opprimait les malheureux. On sait ta faute, mais on ne connaît pas les motifs qui l'ont provoquée et qui en font, au lieu d'un crime, une protection héroïque accordée aux faibles contre le fort. Pour Dolores elle-même, il faut qu'on le sache. Mais comment puis-je le faire savoir ? Je ne suis pas assez sûr de l'impartialité de ceux qui me jugeraient pour me fier aux éventualités du verdict de la cour martiale. Quand même, je pourrais rassembler une armée de témoins véridiques. Je ne puis envoyer un crieur public dans les rues pour proclamer à son de trompe ce qu'il te plaît d'appeler mon héroïsme. Quand même, je publierais une brochure pour ma justification. Personne ne la lirait. Trop de temps s'est écoulé. Veux-tu consulter un avocat sur tes chances de réhabilitation ? Demanda Marguerite, levant les yeux sur son frère et en rougissant prodigieusement. Il faut d'abord que je voie l'avocat, que je cause avec lui, qu'il me plaise, avant que j'en fasse mon confident. Plus d'un avocat sans cause pourrait trouver fort commode de gagner 100 guinées et de faire une bonne action en me livrant, moi, criminel, à la justice. Tu dis des folies, Frédéric. Je connais, moi, un avocat sur l'honneur duquel je puis compter, dont l'habileté dans sa profession est reconnue, et qui ferait, j'en suis sûr, tout au monde pour être utile à un parent de ma tante Shaw. Je parle de Mr. Henry Lennox, papa. Je crois que c'est là une bonne idée, dit Mr. Hale, mais ne propose rien qui retienne plus longtemps Frédéric en Angleterre, Marguerite. Je t'en conjure, au nom de ta mère. Tu pourras partir demain soir pour Londres par un train de nuit, continua Marguerite, qui s'échauffait en faveur de son idée. Je crains, papa, qu'il ne faille absolument qu'il parte demain. Nous avons décidé cela à cause de Mr. Bell et de cette méchante connaissance de Dixon. Oui, je partirai demain, dit Frédéric d'un ton décidé. Mr. Hale poussa un douloureux gémissement. Je ne puis supporter l'idée de te quitter, dit-il, et pourtant je serai dans une angoisse perpétuelle tant que tu seras ici. Eh bien alors, dit Marguerite, écoutez mon projet. Il arrivera à Londres vendredi matin. J'écrirai. Vous pourriez écrire. Non, décidément, il vaut mieux que ce soit moi qui lui donne un mot de recommandation pour Mr. Lennox. Tu le trouveras à son logement du Temple, Frédéric. Je vais faire une liste de tous les matelots que je me rappelle avoir été à bord de l'Orion. Je la lui laisserai pour qu'il tâche de les retrouver. C'est le frère du mari d'Edith, n'est-ce pas? Je me rappelle que tu m'en as parlé dans tes lettres. J'ai de l'argent dans la banque de Barbour, et je puis donner d'assez beaux honoraires s'il y a quelque chance de succès. C'est de l'argent, mon père, que j'avais destiné à un autre usage, mais je le considérais comme emprunté à vous et à Marguerite. Non, dit Marguerite, considère-le comme à toi. Sans cela, tu ne le risquerais pas. Et pourtant, la chose en vaut la peine. Tu pourras t'embarquer à Londres aussi bien qu'à Liverpool, je présume. Certainement, petite sotte. N'importe où, je sens l'eau couler sous des planches. Là, je suis chez moi. Je trouverai un moyen quelconque de m'en aller, n'en doute pas. Je ne resterai pas 24 heures à Londres, soyez-en sûr. Loin de vous et plus encore loin d'une autre personne. Marguerite ne fut pas trop fâchée que Frédéric se fût mis dans la tête de lire par-dessus son épaule, tandis qu'elle écrivait à Mr. Lennox. S'il n'avait pas été ainsi forcé d'écrire tout d'un trait, elle aurait hésité plus d'une fois, cherché ses mots, balancé pour le choix des expressions, embarrassée qu'elle était d'essayer la première de renouer des relations qui, à leur dernière entrevue, avaient été pénibles pour tous deux. Cependant, la lettre lui fut retirée avant qu'elle ait eu même le temps de la relire, et soigneusement placée dans un portefeuille d'où s'échappa une longue boucle de cheveux noirs, à la vue de laquelle les yeux de Frédéric brillèrent de plaisir. « Ah, tu voudrais bien examiner cela de plus près, n'est-ce pas ?»« Non, il faut la voir elle-même. Elle est trop charmante pour être jugée sur échantillon. Ce n'est pas une simple pierre qui peut donner l'idée de l'architecture d'un palais. »